3, 2, 1. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Oh no. On Monday, and it was. On Tuesday, and it was. Ooh, on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Knicks in six, Knicks in six. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bon, on vient de passer la moitié de la première, première moitié de la série face aux Pacers. Effectivement, c'est un lendemain de match plutôt compliqué, un lendemain de fête des mères aux États-Unis. Nous, nos mères, on les a laissés tranquilles, même si y a peut-être eu quelques insultes qui, ou noms d'oiseaux qui ont volé en direction des Pacers lors de la soirée. Bref, on est là pour parler de l'actualité des Knickerbockers. Où en sommes-nous dans cette série du second tour des playoffs de la Conférence Est? Je suis toujours fidèlement accompagné de Seb. Seb, comment ça va ce lundi? Bah tu vois, regarde, je suis au café, c'est le café de la gueule de bois, tu vois. C'est, Ouais. Il paraît que pour faire passer la gueule de bois, c'est un café, il faut mettre du sel dedans. Il paraît que ça fait... c'est un remède de grand-mère pour faire passer la gueule de bois, mais ouais. Le café au caramel beurre salé, bref, vous mettez ce que vous voulez dedans pour faire passer tout ça. En tout cas, on n'est pas là pour déprimer, on est là ensemble pour parler de cette actualité et on va regarder quels sont les motifs de satisfaction, les motifs d'espoir, les motifs d'inquiétude, bref, tout ce qu'il faut voir sur ce début de série face aux Pacers. Pour l'instant, la série est à égalité de 2, donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va voir tout ça ensemble tout de suite. Sur la rétrospective de la semaine dernière. C'est parti pour l'épisode 90 de Have a Knicks Week sur KNF TV. Let's go. Eh oui, c'est un peu la gueule de bois ce lundi, forcément. Des victoires, des défaites, on sait, on connaît, on sait l'effet que ça peut avoir. Mais des blowouts, ça fait toujours mal à la tête. Et malheureusement, hier, ça a un peu gâché la fête parce que la KNF était réunie encore une fois pour une KNF Viewing Party. Alors, on a bien mangé. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais on a mangé sévère, on a mangé salé au niveau du match. Et forcément, ça a un peu cassé l'ambiance. On remercie en tout cas tous les membres qui ont pu se déplacer sur ce dimanche. Le match était un petit peu plus tard que la précédente KNF Viewing Party. Mais voilà, on a quand même profité de ce moment pour refaire l'histoire, refaire le match. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quels seront les ajustements possibles? Et si nous avions un tel? Et si nous avions un tel? Bref, des débats interminables, comme on peut en avoir sur les réseaux sociaux, c'est certain. Comme on peut en avoir ici aussi, comme on peut en avoir avec vous dans la section des commentaires. Mais voilà, en réel, c'est toujours sympa. Et sait-on jamais, peut-être que nous aurons l'occasion de faire une autre viewing party en playoff. S'il y a match 7, pourquoi pas? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. En tout cas, merci à tous les membres qui ont répondu présent pour cette occasion. Et on aura à cœur de vous retrouver très prochainement, ou si c'est pas très prochainement, la saison prochaine. Parce que voilà, l'amour des Knicks, ça perdure dans la victoire comme dans la défaite. C'est ça aussi d'être supporter. Supporter les équipes qui gagnent tout le temps, ça, on laisse ça à d'autres catégories de fans. Et on sait quel nom ça porte en NBA. Voili, voilou. Allez, bon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine sur l'actualité Knicks? Bah, vous le savez, la série face aux Indiana Pacers. Et qui dit série face aux Indiana Pacers dit forcément rivalité. Oui, oui, on a bien affaire à un rival historique. La rivalité qu'on a vue au premier tour face aux Philadelphia Sixers, c'était quelque chose de plutôt sympa, même si c'est une rivalité plutôt géographique et pas tant que ça au niveau du basket et de l'histoire de ces deux franchises NBA. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations entre les Sixers et les Knicks en playoff. Par contre, entre Pacers et Knicks, oui, là, il y en a eu beaucoup. On a eu l'occasion d'en parler. Et forcément, les images vintage sont revenues. Et forcément, ce commentateur aux grandes oreilles qui se prénomme Reggie Miller, bah, il était de sortie. Il était de sortie pour en parler. Pour lui, il possède le Madison Square Garden. Visiblement, le public n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Et lui a répété, et lui a envoyé quelques chants que Josh Hart lui a... porté à l'oreille en courant de match. Bon, ça, c'est les petites histoires qu'on aime bien. Ça fait aussi tout ce qui pimente un petit peu ces playoffs dans une ligue qui est un peu plus soft, où il y a moins de rivalité, il y a moins d'amour du maillot, d'attachement au maillot, il y a moins aussi de continuité dans les effectifs. Et ben voilà, ça fait plaisir de revoir un petit peu ces petits éléments qui pimentent un peu les séries de playoffs. Et on le sait qu'avec New York, il y a toujours matière à avoir quelques petites confrontations par médias interposés. Une série qui est suivie, une série qui n'en est que à 2-2. Hein, on rappelle hein, le score, de toute façon, vous le savez où on se positionne dans cette série en ce moment. Et une série qui est suivie par les fans des deux franchises. Finalement, c'est tout ce qu'on aime dans les playoffs, Seb. C'est tout ce qu'on aime, ces petites rivalités. C'est ça qui donne du piquant à une série. C'est aussi se rappeler l'histoire de la NBA, de se rappeler nos anciennes gloires. C'est le moment en fait de les fêter. C'est sûr que si tu avais eu un second tour, je sais pas, Knicks, quelle équipe à Orlando. l'Est, ouais, Orlando, Orlando. ouais, Orlando, tu vois, quel coup d'éclat, qu'est-ce qu'il y a comme histoire entre ces deux équipes? Il n'y en a pas. Alors que l'année dernière, Miami, cette année, Indiana, si tu refais un Bulls, ou quoi, évidemment que tu as des souvenirs, tu as des joueurs qui se sont illustrés, tu as eu des moments clutch, tu as une mémoire de fan, une mémoire collective qui revient, qui ressurgit, quoi. Donc. Oui, et même si les générations ont passé, ce n'est plus les mêmes joueurs, ça on le sait forcément. On parle de rivalité qui date d'il y a une vingtaine d'années. Mais on a des acteurs, on a des Rick Carlisle, on a du Reggie Miller. Voilà, on a tous ces acteurs-là qui sont encore là et qui se rappellent justement à cette histoire. Et ce qui a fait l'histoire de la NBA, c'est ces rivalités qui a fait l'histoire de la NBA. Et donc c'est ça qu'on aime retrouver aussi avec ce parfum de playoff. Même si, voilà, l'histoire fait que des fois elle se répète pas de la bonne façon pour les Knicks. Bref, bref. En tout cas. On apprécie ces playoffs, il faut pas bouder notre plaisir. On verra comment cette série se termine, mais quoi qu'il arrive, ça sera une bonne série qui restera dans nos mémoires. Bon, dans la mémoire de certains, les Knicks font un beau parcours, certes, mais pour autant, ils ont toujours un peu un discrédit dans certains médias ou certains observateurs. On a eu l'occasion de voir Draymond Green, qui, lui, doit bien meubler un petit peu son temps de vacances et à vider son chargeur encore une fois sur les Knicks, hein, traitant les Knicks de fluke. Alors une fluke, c'est Oh quoi? Je ne sais pas. Est-ce que Draymond Green, c'est une fluke? Peut-être. non. On a aussi Sir Charles Barkley, qui maintenant sur son fauteuil de commentateur sur TNT, Ah, mais mais lui, un peu avec son acolyte il a une haine Shaq. des Knicks, lui. C'est lui et le chat, là, s'ils peuvent dégommer New York. Voilà, il y a un peu de Non, mais. discrédit sur les Knicks qui sont tout de même, même si on est moins objectif qu'un fan lambda, on serait tenté de dire, qui quand même doivent mériter le respect de par le parcours, de par les difficultés qu'ils rencontrent au niveau de toutes les blessures qu'on connaît. Voilà, c'est un parcours qui a tout pour être attachant et je vois pas comment on peut critiquer. C'est un peu de la critique facile, entre guillemets. D'aller taper sur les Knicks en disant voilà, non, c'est une équipe qui a du bol. Ben, tu Minimiser le sais, parcours des Knicks, c'est c'est comme l'argument dire, facile de quand toute les Knicks façon, réussissent. tu sais, c'est comme dire, c'était ce que j'avais écrit l'année dernière avec toujours ce gimmick Sonics, tu vois. Cette année, on l'a pas trop lu, tu vois. C'est tellement Knicks, hein, c'est tellement Knicks là-dessus, machin. Alors que les Knicks, hein, c'est 77 ans d'histoire, maintenant 78, et c'est 9 ans de mauvaise gestion. T'as 9 ans de mauvaise gestion de Phil Jackson, d'Isaiah Thomas. Après le reste, c'est bien géré. Après le reste, tu as des épopées. Après le reste, tu as eu. Alors certes, dans les années 70, tu as eu des titres. Après le reste, c'est des finales de conférence. C'est des équipes. Donc voilà, de toute façon, c'est toujours. Les Knicks, voilà, c'est New York. New York, c'est un énorme marché. Donc les gens estiment que les gros marchés doivent gagner. Sauf que quand ils gagnent, après, derrière, qu'est-ce qu'on dit? Ah, mais les gros marchés sont avantagés. Bon. Bonjour Rick Carlisle d'avoir dit ça. Mais non, mais en fait, voilà, c'est comme tu dis, après, voilà, c'est la critique facile parce que New York, pendant longtemps, a été une punchline. Je trouve surtout dans les années 2000, sous Isaiah Thomas, là, c'était vraiment, vraiment, vraiment nimp. Et en fait, depuis, tu as cette image-là qui colle à la peau, en fait, de New York foutoir, de New York mal organisé, alors que les choses se sont nettement améliorées. Et aujourd'hui, tu as quand même un Jalen Brunson qui est moins bien payé qu'un Jeremy Grant. Par exemple, aujourd'hui, tu as un Voilà, Jalen Brunson rappelons-le. qui est moins bien payé qu'un Desmond Bane. Alors, Desmond Bane, il est bon, mais est-ce que c'est un franchise player? Est-ce qu'il porte son équipe en playoff comme JB le fait? qui a un Bradley Beal, qui a une no-trade clause, Voilà. Donc. qui n'a pas forcément non plus fait de très bonnes saisons ces dernières années. Il y a du discrédit de fait et des Ah, des clichés. Les clichés ont cycles en la vie NBA. longue et la vie dure en NBA, et notamment pour les Knicks. C'est dur de Mais gagner dans non, mais cette ligue. après voilà, c'est les paroles de vieux aigris qu'il faut faire du buzz, donc il faut taper sur la gueule de cette franchise qui peut-être parce que ouais, elle a une fanbase aussi qui est très démonstrative. Voilà, bon Il y après a peut-être un Draymond peu de Green, est-ce ça. que vraiment Draymond Green, est-ce que c'est vraiment quelqu'un à écouter? Est-ce qu'il a déjà eu un avis pertinent sur quelque chose? Il est pas tout le temps à côté de la plaque, mais il aime bien aussi attirer la lumière vers lui et des déclarations justement qui vont faire du bruit, qui vont faire parler. Après, il est en vacances. On a eu Jimmy Butler qui a parlé il y a pas longtemps. Il s'est fait recadrer par Pat Riley. Finalement, la vérité, elle appartient au terrain, au parquet. Et en ce moment, quelles sont les équipes qui jouent encore? Voilà, donc portons du respect à ces équipes. Les Pacers, il faut respecter les adversaires. Toutes ces équipes ne sont pas là par hasard. Oui, il faut des fois un peu de chance en playoff pour être qualifié, pour accéder à certains tours, pour être champion aussi parfois. On peut penser à ce que Paul Pierce a eu de la chance aussi d'avoir un bon recrutement, d'avoir aussi des playoffs qui ont été un peu avantageux par moment. Mais voilà, on ne gagne pas facilement dans cette ligue, c'est compliqué. Et les équipes qui arrivent à s'installer sur le long terme et arriver à faire passer le cap de génération pour toujours s'installer au haut niveau, finalement, il n'y en a pas tant que ça dans la ligue. Et c'est très facile de critiquer les Knicks par leur manque de résultats. Aujourd'hui, portons-leur du crédit par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'arme qu'ils présentent et le jeu qu'ils nous proposent sur le terrain. C'est tout ce qu'ils méritent. Et les critiques, je pense qu'elles n'ont pas leur place cette saison, malheureusement. Bon, en tout cas, s'il y a bien un joueur qui a des louanges de part et d'autre, et on l'a vu par un panneau publicitaire à New York en disant il faut pas dormir sur les Knicks, il faut pas dormir sur Jalen Brunson. On l'a vu dans le résultat des votes pour le All-Star pour le pardon, le MVP, top Ouais, MVP. 5, top Ouais, 5 c'est beau. de MVP. Alors oui, c'est derrière le trio Jokic, Doncic et SGA, mais tout de même, c'est pas une comment dire un Yannick, résultat c'est mieux le neutre. tableau. Se retrouver top 5, quel est le dernier Knicks à avoir été dans le top 5 MVP? On vous laisse chercher. Moi, je pense que c'est un certain numéro 7 qui avait un bandeau et qui n'a pas forcément fait l'unanimité, mais qui avait fait une belle saison tout de même. Voilà, en tout cas, c'est dire si Jalen Brunson, parce qu'on parle de lui, Jalen Brunson est héroïque et phénoménal cette saison et est le visage de la belle réussite de cette saison au regard de toutes les blessures. C'est lui qui a tenu la baraque. Et en ce début de playoff, eh ben on compare qui? On compare Jalen Brunson à qui? Ni plus ni moins qu'à Michael Jordan sur une campagne de playoff de gros niveau en termes de scoring. Donc voilà, à un moment, la critique, elle est facile, mais il faut aussi voir le niveau proposé par ce joueur qui est un petit peu sans précédent parce que c'est un joueur de petite taille. Ça a été critiqué un peu à tort en début de saison. Il n'y a pas beaucoup de petits joueurs qui vont loin et avec leur équipe en playoff. Pourtant, ça existe. Donc voilà, est-ce qu'on compare à un Allen Iverson, à un Isaiah Thomas, époque des Detroit Pistons? À voir. En tout cas, Jalen Brunson, c'est Jalen Brunson. Il porte ses Knicks et il les porte plutôt bien. Et les résultats sont là. Jusqu'où ira cette campagne? On ne sait pas. En tout cas, lui, en 2 saisons, il a déjà dépassé Carmelo Anthony en termes de meilleur, dans les meilleurs scoreurs de playoffs, en termes de total de points. Il est encore loin du gratin, il va falloir quelques campagnes encore et de haut niveau. Mais voilà, c'est un joueur qui nous fait perdre nos mots. On n'a plus d'adjectifs, on n'a plus de superlatifs. Même son coach comment dire, de fac ne pensait pas qu'il serait si bon NBA. Comme quoi, il faut savoir être au Ben, bon endroit au bon moment, dans le bon système. C'est un alignement de certaines planètes parfois qui fait que. Et on espère que ça va continuer de briller pour lui, même si c'est un petit peu compliqué en ce moment sur ce milieu de série face aux Pacers. Mais voilà, Brunson, phénoménal. Brunson, top 5 MVP. On attend, je ne sais pas si c'est cette semaine, les résultats des All-NBA Team. First ou second, on se posait la question. Top 5 MVP, on peut se dire qu'il peut avoir ses chances d'être dans la First Team. Et si c'est le cas, ça sera encore amplement mérité. Si c'est un second, bon, on discutera, on verra qui lui aura grillé la priorité. Mais en tout cas, saison phénoménale, playoffs phénoménaux. Bravo JB déjà et porte-nous encore le plus loin possible sur ces playoffs. Bah, il est dans la continuité de sa saison dernière, hein, et de ses playoffs derniers. J'ai l'impression qu'on oublie encore ses playoffs derniers, notamment sa demi de conf contre Miami, où il avait été extraordinaire. Et même Spoelstra avait dit on ne sait pas comment l'arrêter, ce gars-là. Je peux lui faire des prises à deux, des prises à trois, je peux lui mettre un tel, je peux faire ci, je peux faire ça. Il arrive toujours à marquer. Rappelez-vous cette masterclass l'année dernière en demi-finale contre Miami. Il avait été extraordinaire. Il avait été comme contre Philadelphie à partir du match 3, quoi. Il y a un joueur incroyable qui porte son équipe, un petit bonhomme là qui est le général en chef d'une équipe de soldats. Et cette année, ça a été la confirmation. Alors que certains, beaucoup disaient en effet, et puis même moi, j'étais un petit peu sceptique au tout début. Quand il avait signé, en disant bon, on va voir ce que ça donne. C'est vrai qu'il avait fait une deuxième belle partie de saison avec les Dallas Mavericks. Derrière, c'est vrai qu'il arrive à New York, mais c'était quand même en tout cas un joueur qui était sérieux, et c'était ce qui ressortait, et que c'était un mec qui passait beaucoup de temps à la salle, beaucoup de temps à perfectionner ses choix de tir, ses façons de tirer, ses décisions. Et puis rappelle-toi rapidement en fait. Au bout du premier mois, il était adopté à New York. Et puis les playoffs de l'année dernière ont donné le dernier coup de marteau sur le clou. Et cette année n'a été que l'aboutissement en fait de tout ça. Et ces playoffs sont extraordinaires. Là, bon, on en reparlera. Malheureusement, peu, je pense, rattrapé par les petits pépins physiques. Mais si t'es bien quelqu'un qui peut mettre son intégrité physique en danger pour l'équipe, c'est bien lui, quoi. C'est bien lui. C'est bien JB. C'est bien JB. Clairement. De bons playoffs avec Dallas, des bons playoffs avec New York. Il sait aussi les erreurs qu'il peut parfois commettre. C'est un joueur lucide, c'est un joueur qui prend ses responsabilités. On compte encore sur lui, forcément, sur cette fin de série face aux Pacers. Et on va en parler assez vite. Bon, en tout cas, il y a des joueurs sur lesquels, malheureusement, on ne pourra pas compter. Les blessures, vous le savez, on en parle quasiment à chaque émission. Et cette semaine, on n'est pas encore. On va pas pouvoir ne pas en parler. Puisque dès le match 2, on a appris que Mitchell Robinson était out. Finalement, encore une fois, touché à la cheville. Et c'est la fin des playoffs pour lui. C'est encore un coup dur pour New York, mais on se disait que bon, il y a du Hartenstein, il y a du Achua, peut-être que voilà, on a réussi à bien naviguer dans cette saison avec les allers-retours de Mitch. On aurait préféré avoir Mitch clairement pour ses playoffs face à la série face aux Pacers. C'était ton facteur X. Le secteur des rebonds est un élément important et on sait que c'est son chantier, c'est son dada, les rebonds. Si on se projette même encore plus loin, on se dit que voilà, en finale de conf, voire des finales NBA, pourquoi pas, soyons fous. Forcément, un Mitchell Robinson, il avait clairement sa place parce qu'il va y avoir des duels dans la raquette, il va y avoir besoin d'avoir de la dissuasion. Et voilà, c'est un atout qui manque, même s'il y a ce côté un peu injury prone avec Mitchell Robinson. Aujourd'hui, c'est un élément important, même en sortie de banc. Et malheureusement, ça, c'était le coup dur au match 2. Et puis le match 2, bah malheureusement, on ne s'est pas arrêté juste sur ce Mitchell Robinson. On a eu une frayeur, on a eu un moment de doute, d'absence, de questionnement vis-à-vis de Jalen Brunson, touché au pied. Ça, on va revenir dessus tout à l'heure. Et puis on a OG Anunoby. Parlons-en maintenant, même si on va revenir sur son phénoménal début de match 2. Il y a une cuisse de toucher. Est-ce que c'est un claquage? Est-ce que c'est un déchirement? On ne sait pas. Mais depuis le match 2 et la fin du match 2, OG est à vos abonnés absents. OG est à l'infirmerie. Et là, ça change beaucoup de choses pour les Knicks. C'est pas un déchirement. Ils l'ont dit, là, parce qu'il y avait même un docteur qui l'avait relayé. C'est une sorte d'élongation en fait, du muscle ischio-jambier. Peut nécessiter entre 8 et 10 jours de repos, quoi. Donc c'est pas une déchirure, donc on n'est pas sur un gros claquage ou une grosse déchirure, ce qui pour le coup était out saison. Là, à aucun moment ça a été parlé out saison. Ils ont parlé donc de cette voilà de alors, je sais plus c'était quoi le terme exact, faut que je regarde dans les tweets. Mais après d'ailleurs ils se sont plutôt montrés confiants par rapport à ça. Le problème c'est que ben attendant tu dois te passer de ce type là et on sait toute l'importance d'OG Anunoby dans ce contexte là quoi. dans l'effectif, dans les résultats de l'équipe, hein, on a toujours vanté le nombre de victoires-défaites avec sans OG, et clairement le bilan est à l'avantage d'OG lorsqu'il est présent, mais on sait aussi par rapport à l'opposition, par rapport aux adversaires directs, au match-up, l'importance qu'il pouvait avoir en ce début de play-off, en ce début de série. Et en ce moment, on serre les dents, on espère un retour, mais rien ne pour l'instant laisse présager un retour sur cette série. En tout cas, il n'a pas été annoncé out pour la fin de la série, c'est un peu match par match. Ceci dit, d'autres Une équipes jouent cette tension notion de aiguë. questionable. C'est une tension aiguë disco jambier. Voilà. À voir, mais en tout cas, ces blessures continuent de nous mener la vie du Ronix. Ah là là, Ben, on en revient. comme je m'amusais à dire, en fait, tu vois, durant la saison, on a trouvé que c'était trop facile, donc on nous a enlevé Julius. On m'a dit, bon, allez, on vous enlève Julius, parce que là, c'est vraiment trop facile Mitch pour vous. d'abord, Donc, Mitch d'abord. Mitch d'abord, mais après, il est revenu. Donc d'abord, on nous a enlevé Julius pour toute la saison. On a dit, allez, Julius, on vous l'enlève. Bon, on a continué à gagner des matchs. Première série contre Philadelphie, bon, c'était trop facile. Donc on nous a dit, bon, vous savez quoi, on va vous raccourcir les rotations, on vous enlève Bogdanovic. Donc on nous enlève Bogdanovic. Bah, malgré tout, on arrive à passer. Premier match contre les Pacers, ça match, ça joue bien. On remporte les deux premiers matchs. On nous dit, hey, vous savez quoi, c'est trop facile pour vous encore. Alors cette fois-ci, on vous enlève et Mitch. Et OG Anunoby. Et maintenant, vous vous débrouillez. Donc, en fait, Un peu de tu vois, gibier. donc, voilà. Donc, en fait, au fur et à mesure, on nous enlève des gars. Donc, Julius d'abord, Bogda, ensuite OG et Mitchell Robinson. Et puis, et bon, ben, j'ai envie de te dire, comme le loto, quoi. À qui le tour, tu vois? Est-ce que si, par exemple, on fait un bon match au Garden, le match 5, est-ce qu'on va nous dire, bon, vous savez quoi, c'est trop facile, Dante, allez, ou Hart, et puis débrouillez-vous. On en rigole, mais effectivement, c'est voilà, l'équipe est disséminée, Ah ouais, c'est la décimée par Bérésina, les blessures, c'est estimé, ça. et c'est compliqué. Alors forcément, on en revient à tout un tas de commentaires, discussions autour du cas Thibodeau. Oh Le là coach là. Thibodeau qui est un assassin, qui utilise trop ses joueurs, qui fait pas de rotation, couvre pas son banc. J'en ai marre de Oh là de là, c'est cette tellement étiquette débile. collée sur le front de ce flanc de sur le front de Tom Thibodeau. Alors, on a encore bien sûr des temps de jeu des fois un peu phénoménaux de la part de Josh Hart, Ouais, mais. mais alors je ne sais pas si dans la fanbase il y a des gens qui comprennent pas en fait la situation dans laquelle l'équipe se trouve. Mais tout simplement, nous sommes en play-off. En play-off, qu'est-ce qu'on fait? On fait jouer les meilleurs joueurs. On va pas faire jouer les joueurs du banc du bout du Surtout banc. dans des matchs aussi serrés. Sur des matchs à enjeu, en fait. Enfin, qui fait ça? Quelles sont les autres équipes à faire ça? Alors après, on va dire, oui, mais Thibodeau, il rince ses joueurs, il use ses joueurs, il blesse ses joueurs. Rappelez-vous Derrick Rose, rappelez-vous Joakim Ah là Noah, rappelez-vous Luol Deng, rappelez-vous Karl-Anthony Towns. Mais, un, ces joueurs ont été blessés aussi après avec d'autres coachs. Ces joueurs, bah, ils ont une utilisation, ils ont un style de jeu et des blessures qui se font pas forcément non plus parce que le coach les met en danger. Le coach, il va pas mettre en danger ses joueurs. Le coach, il va faire jouer ses Je joueurs. rappelle que Derrick Rose, sur son année 2012 où il se blesse, voilà, en premier tour des playoffs, voilà, on peut lui reprocher à Thibodeau de ne pas l'avoir sorti malgré la victoire à plus 12. La saison, il joue 39 matchs. Il joue 39 matchs sur la saison. C'est-à-dire que déjà, en fait, si tu veux, le type, et quand tu vois les images, c'est sur un appui tout à fait lambda. Je veux dire, le mec, Il n'y a limite, pas de il aurait pu contact, rentrer. Il aurait il pu aurait pu rentrer péter sur un autre moment en Tavares. fait. Et ouais, Ouais. c'est. Donc, bon, ok, d'accord. On peut lui Mais reprocher des choses. Mais c'est en lui fait, qui. Thibodeau se traîne cette réputation de coach qui a blessé Derrick Rose. Mais est-ce qu'on dit la même chose sur tous les coachs qui ont eu des joueurs valuables, voilà, on pense à des Grant Hill, des Penny Hardaway, Kobe qui se blesse, alors qu'il avait un temps de jeu aussi élevé. Est-ce qu'on reproche à Steve Kerr, par exemple, d'avoir blessé Kevin Durant en finale NBA, d'avoir blessé Klay Thompson? Non. Visiblement, je ne sais pas pourquoi, Tom Thibodeau, il a ce cliché de c'est un Qui coach était qui le utilise coach des de rotations Portland courtes. quand Brandon Roy se fait pareil son lui c'était mal au dos qu'il avait et que sa carrière était terminée enfin Il y a des joueurs malheureusement qui. C'est est-ce que peut-être le c'est destin de Thibodeau certains joueurs, se blesser. est-ce que c'est Thibodeau qui a luxé l'épaule de Julius Randle sur ce drive? Est-ce que c'est Non. Thibodeau qui a demandé à Batum de mal retomber sur le poignet de Bogdanovic ou qui a demandé à Embiid de faire strike dans les chevilles de Mitchell Robinson? Après, on va me dire, ouais, mais on a OG. Ouais, mais le problème, c'est que regarde quand OG joue pas, quoi. Regarde quand OG joue pas. Regarde comment l'équipe joue, regarde comment l'équipe joue quand il n'est pas là. Et moi, je veux bien, mais dans ces cas-là, si on avait une profondeur de banc, évidemment que les mecs tourneraient. Mais déjà qu'on est comme tu as dit, décimé par les blessures, malheureusement, les temps de jeu se réduisent. Tu veux faire jouer Daquan Jeffries comme hier. Tu veux faire jouer Jericho Sims. Putain, t'as vu le niveau de ce type-là, quoi, Jericho Sims. T'as vu le niveau, quoi. Il y a 15 niveaux d'écart. Il a une belle petite moustache. on peut lui accorder ça. Mais voilà, oui. Tout simplement, arrivé en play-off, c'est les stars qui jouent. Je lui mets plus 1 pour la moustache. Pour la moustache, voilà. Un point de style. Mais tout simplement, en play-off, il faut faire jouer les joueurs meilleurs, les joueurs majeurs de l'équipe. On a un Josh Hart qui joue beaucoup. Effectivement, ça peut paraître surprenant, mais parce qu'on a un profil aussi qui est assez polyvalent. Et c'est ça qui fait que bah, il l'utilise, parce qu'on n'a pas non plus un profil... Normalement, Josh Hart, il est censé sortir du banc. Josh Hart est censé sortir du banc, pas jouer en poste 4 face à un Siakam. Notre mais s'il notre le fait, c'est parce qu'on n'a pas le choix, quoi. Parce qu'on n'a pas notre le choix. 5 d'hier. Notre 5 d'hier, c'est Jalen Brunson, c'est Dante DiVincenzo, c'est Josh Hart, c'est Precious Achiuwa et c'est Isaiah Hartenstein. Parmi ces 5 mecs, t'as que Jalen Brunson qui était titulaire en début de saison. T'as que Jalen Brunson qui était titulaire en début de saison. Alors, je ne mets pas du tout en cause le talent des autres. Hein. Loin de là. Hein. Oh. Je ne mets pas du tout en cause le talent de Josh Hart. Ils ont acquis ces minutes et ce respect. Et ils ont leur place qui n'est pas discutable aujourd'hui. Mais t'en viens à faire jouer en demi-finale de conférence Alec Burks, Jericho Sims et Precious Achiuwa. C'est bien qu'il veut dire qu'il y a un problème quoi, quelque part. Quoi. C'est parce que t'as pas le choix, t'es contraint, t'as pas d'autres possibilités, t'as plus le choix, c'est la seule solution. Alors l'équipe, elle va vivre et mourir avec ce style de jeu, avec ces joueurs, avec cette énergie, ce cœur qu'ils vont mettre. Voilà, effectivement, on pourra pas leur reprocher grand-chose, même s'ils sont fatigués, même s'ils nous manquent de lucidité en fin de match, même s'ils se font éliminer. On verra jusqu'où l'aventure ira. En tout cas, ils auront tout donné. En tout cas, ce coach, je pense qu'il faut plutôt le remercier d'avoir réussi à amener l'équipe là où elle en est, avec tous ces pépins. On pense aux Bucks qui ont été décimés par les blessures et qui du coup sont sortis. On pense à d'autres équipes qui ont été touchées par des blessures et qui ne sont pas arrivées au second tour des playoffs. Ne sont pas il y aurait beaucoup d'équipes qui auraient tanké immédiatement. Accordons du crédit à ces joueurs. On est JB sur le banc, c'est fini pour toi. Et beaucoup d'équipes auraient fait ça. Accordons du crédit à ces joueurs, accordons du crédit aussi au coach. Non, le coach, c'est pas un coach qui est assassin, qui va tuer les joueurs. Il utilise ses joueurs parce qu'il n'a pas le choix. Et même quand on sort un Jalen Brunson, on voit que l'équipe, elle est plus aussi performante, elle est en difficulté. On a besoin de faire jouer ces joueurs. Oui, ils ont un gros volume de temps de jeu. Et alors, est-ce que vous préférez avoir Daquan Jeffries, Jacob Toppin, et puis finalement se prendre des blowouts parce que, oui, c'est cool, on a fait jouer 10 joueurs, 12 joueurs, 13 joueurs. Oui. Non, et puis comme tu dis, les playoffs, c'est rotation raccourcie et on utilise des soldats. Il faut aussi et... relativiser. On parle de gens qui jouent 48 minutes tous les deux jours. Ils jouent 48 minutes, tu vois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup. Mais comme l'a très bien rappelé Josh Hart, on parle d'un jeu, on parle en effet d'intensité physique, mais qui dure 48 minutes. Hein, on n'est pas sur 12 heures de job à porter des kérons ou à donner des coups de masse sur des bouts de fer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, on est sur des mecs, en effet, ça nécessite une concentration, une bataille, il y a des coups qui sont donnés, tout ça. Mais c'est 48 minutes toutes les 48 heures. D'un jeu, du sport. Mais oui, tout ça, enfin, il faut relativiser par rapport à la difficulté que d'autres peuvent éprouver dans leur vie au quotidien. C'est des joueurs qui sont bien payés. Et puis, bêtement, si vous avez joué au basket, si vous avez joué dans un sport, vous avez envie d'être sur le terrain, tout ça. Vous voulez jouer. Vous voulez jouer. Donc, c'est des compétiteurs. Et voilà, ils suivent les plans du coach. Il y a une belle mentalité dans ce groupe. On l'a vu avec Alec Burks, entre autres, qui avait été mis au placard pendant un moment, qui revient, qui arrive à performer. Et qui reste dans l'état d'esprit du groupe. Donc ça aussi, c'est la patte du coach. C'est réussir à garder son groupe mobilisé, à les emmener ensemble et le plus loin possible. Et voilà, les critiques aujourd'hui, je pense, vis-à-vis du coach, n'ont pas leur place, surtout vu le contexte. On ne peut pas occulter le contexte. Oui, il y a eu des blessures importantes sur des joueurs importants dans la carrière de coach Thibodeau. Mais voilà, est-ce que coach Thibodeau, ce n'est pas lui aussi qui rend Derrick Rose MVP? On peut se poser des questions aussi dans ce sens-là. Est-ce que Derrick Rose se blesse pas avant, après, dans sa carrière? Si, est-ce qu'il n'a pas un jeu à risque, un jeu fragile? Est-ce qu'il ne se serait pas blessé autrement? Est-ce que c'est les coachs qui font les blessures des joueurs? Auquel cas, moi je veux bien, mais dans ce cas-là, tenons responsable l'ensemble des coachs de la ligue de toutes les blessures et pas faire le raccourci habituel, cher à certains BasketX, j'ai lâché le mot, de dire ouais, Tom Thibodeau, il rince ses joueurs, c'est un assassin. Les clichés ont la vie dure dans cette ligue, tant sur les Knicks, tant sur Thibodeau, mais quand on voit les résultats aussi et le niveau auquel il pousse l'équipe et les résultats qu'il obtient, il faut aussi lui accorder ce crédit. Et les joueurs C'est sont quand même un mobilisés coach avec le coach. Donc, qui va trois ah. fois en playoff en 4 ans et dont Trop deux fois réducteur, trop d'affilée, donc réducteur. deux fois d'affilée en demi-finale de conférence et surtout cette année dans des circonstances très particulières quoi. Et ça tu peux pas en fait tu ne peux pas dire que il n'y a pas la patte d'un homme derrière qui gère ça quoi. C'est pas possible. C'est pas le coach Ou le plus alors c'est sexy, de mauvaise foi, quoi. Ou admettons. alors t'es de mauvaise foi. Tu dis, Admettons, mais je pense que la critique sur cette saison, encore plus sur cette saison, elle n'a pas sa place vis-à-vis du coach. Il faut lui le donner plutôt ses lauriers. Et voilà, c'était notre petit coup de gueule de ce début d'émission. Allez, maintenant, on va se replonger dans les 4 matchs de la semaine passée. Parce que oui, il y avait 4 matchs. Il y en aura peut-être 3. On verra. 2 en tout cas, la semaine prochaine. Enfin, cette semaine. 4 matchs qui commençaient donc par une ouverture de la série au Madison Square Garden. On avait. À l'époque, presque un effectif au complet, presque. On avait OG, on avait Mitch. Bon, voilà, on avait encore de l'espoir, de la confiance. On savait que les Pacers allaient nous proposer un jeu d'attaque. Ça n'a pas manqué. Est-ce que les Knicks allaient pouvoir répondre à ce jeu d'attaque? Puisqu'on était plutôt sur une opposition de style, et on l'a vu au premier tour face aux Sixers, avec des scores de plutôt bas volume. Là, tout de suite, on a été mis dans le ton de la série. Ça va scorer, et ça va scorer. Les 100 points, on va les passer. Enfin, presque tout le temps. Hein. Un premier match. Qu'est-ce qu'on retient de ce premier match? Il y a eu des critiques sur les décisions arbitrales. Côté Pacers, sur les 2 premiers matchs, je sais pas, ils ont calculé, hein, 78 erreurs d'arbitrage. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas d'où ça sort, ce 78. On a commencé un peu à arrêter de regarder les last 2 minute reports. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce match? De l'énergie, le Garden qui pousse, un match serré, accroché, un match de run finalement, des équipes qui marquent d'un côté, des équipes qui remarquent de l'autre. Un Haliburton plutôt présent en début de match, mais un peu moins en deuxième partie. Un Dante qu'on retrouve, un GB toujours bon, et c'est ce qui nous peut porter à faire des comparaisons GB Michael Jordan. Et oui, c'est fou. Bon, on est d'accord, Michael Jordan n'avait pas de presse. Mais qu'est-ce qu'on retient sur ce match, qui est une victoire, on le rappelle, sur le score 121 à 117, donc vraiment un gros volume. On a joué le jeu des Pacers. 53-46 pour. Non, 53-49 avec un panier à 3 points improbable de Hartenstein à la mi-temps. Et une deuxième et un super troisième quart de la part des Knicks. Qu'est-ce que toi tu veux retenir? Qu'est-ce qui te revient en tête quand on parle du match 1 remporté par les Knicks au Madison Square Garden? Ben, ce qui nous revient en tête, c'est bon, ce finish. Hein, ce finish, alors oui. Je peux comprendre la polémique sur l'écran mouvement de Turner. C'est vrai que quand tu vois Bam Adebayo qui en fait Général, quoi. 72 000 par saison et qu'il n'y en a aucun qui est sifflé, là, celui-là, oui, en effet, c'est un peu compliqué. Mais après, si Indiana analyse leur défaite uniquement par ce prisme-là, ils se sont complètement trompés. Alors, c'est pas le cas de tous, hein. Autant Carlisle, oui, autant Haliburton a été plutôt bon Voilà, joueur les et fair play, joueurs se en sont disant qu'il ne pas perdait pas que sur des décisions arbitrales, quoi. se sont pas cachés. Bah, on a retrouvé une équipe qui était sur l'allant de la fin de série contre Philadelphie. On a vu bah, que un Siakam était plutôt en délicatesse avec un OG sur lui. C'était Anunoby qui l'a pris et il l'a bien serré. On se On a connaisse, vu se connaisse. qu'un Turner, c'était plus compliqué un peu à gérer, notamment pour Hartenstein, qui a été un peu dans le dur Ouais. le concernant, parce que ben, son jeu au large, et puis c'est quand même un mec qui a un footwork, c'est quand même un bel athlète, hein, Miles Turner, donc eh ben, il a été un peu en difficulté. Et que quand Mitchell Robinson est rentré, ben, ça n'a pas été facile aussi pour lui de le tenir. Donc, c'est vrai que ben, ces deux gars-là, en tout cas, étaient là. Non, mais après, l'équipe n'a pas lâché. Ben, comme d'hab, ben, ils n'ont pas lâché, malgré le fait que ben, on était un peu mené hein, sur la fin, mais on arrive, Ouais, malgré c'est tout, score serré quand même une bonne partie de la rencontre, quoi. Voilà, mais on arrive malgré tout à revenir et puis à gagner. Donc, non, ce premier match j'avais l'impression que on s'était adapté à leur jeu. On Ouais, s'était on a joué adapté leur rythme, leur jeu. Ouais. Et je sais pas si c'était quelque chose de bien, quoi, de vouloir absolument, absolument jouer vite. Surtout que quand on Ouais. joue avec un effectif qui est plus que réduit. Je sais pas si c'était si... Là, on a gagné, mais quand on voit finalement un peu la suite de La la physionomie série, du match. je ne sais pas si c'était la bonne façon d'adopter le truc, de vouloir finalement se dire, ils attaquent, et bien nous aussi on va les prendre en contre-attaque, vu qu'ils vont avoir du mal, ils se projettent beaucoup, mais nous aussi on va se projeter comme ça, on va se rendre coup sur coup. Ouais, ok. Il y Mais avait un petit peu disons que... un côté jeu miroir, vouloir jouer vite aussi. Alors c'est dangereux parce qu'effectivement ça permet de profiter des faibles replis défensifs. On n'a pas eu non plus les Pacers qui sont réputés pour leur défense, malgré qu'ils ont des bons joueurs hein, et qui ont les outils en magasin pour pouvoir nous verrouiller sur certains aspects. Il y a une stat qui est ressortie et qui a fait mal, c'est la stat de comparaison des bancs. Les Knicks qui n'ont mis que 3 points sur ce match en sortie de banc. Il doit y avoir 2 points ou 1 point de Mitch et 2 points de Deuce. Là, il y avait un énorme Deux points de déséquilibre. Mitch, un d'Achiuwa et zéro de Juice. Oh, d'accord, voilà. Bon, bref, sur les 3 points, vous voyez, c'est relativement faible là-dessus. Et en face, Et donc, il y a ton copain qui a scoré. mon copain, je l'avais plutôt désigné comme le facteur X. Et pour Hein, l'instant, bah... il me donne plutôt raison. Ah bah il l'est, hein. Il l'est. McConnell qui était Ah bon. putain. Taupin qui a également apporté un peu sa contribution. Oui, effectivement, les Pacers ont plus de rotation, ont un jeu et un scoring qui est plus réparti que les Knicks. Là, on avait le starting 5 qui a fait de belles lignes de stats. Et heureusement, parce que finalement, il n'y avait pas de ressources en sortie de banc. Et les Knicks qui l'emportent. Mais oui, un peu de contestation sur les coups de sifflet enfin. Et aussi, forcément, un discrédit comme quoi les Knicks seraient avantagés par l'arbitrage. J'avais pas l'impression que ce match était déséquilibré en termes d'arbitrage. Alors oui, les Knicks l'emportent à la fin. Oui, il y a des coups de sifflet un petit peu douteux, les kickballs et compagnie. Mais bon, voilà, les Knicks ont imposé un défi physique. Les Pacers n'ont pas réussi non plus à y répondre sur ce match 1. Les Knicks démarraient bien la série. On permettait de garder l'avantage du terrain et c'est toujours mieux dès le match 1. Match 2, on a eu droit à d'autres. Alors, match 1, oui, non. Match 2, pardon. Match 2, on a eu une autre physionomie de match où, malheureusement, on a eu un Jalen Brunson qui a Ça, donné des c'est signes d'inquiétude assez vite. match 2, c'est Bah voilà, match terrible. on a eu un peu montagne russe. On a eu un OG Anunoby qui a pris tout de suite le match à son compte, qui s'est montré tout Incroyable. de suite offensif. Magnifique. Voilà. On s'est dit, tiens, ça y est, il s'est dit, c'est mon match, là je score, je profite des ouvertures, je fais mal à la défense, et Ah d'entrée de ouais, et jeu, puis le coup il a été d'épaule bon. pour se faire son espace. La défense, son petit shoot mid-distance là qui maîtrise bien, les trois dans le corner qui font mouche. Un Il a OG été percutant, quoi. magnifique. Percutant, et c'est lui qui porte les Knicks dans ce début de match. Malheureusement, il y a ce petit coup de Brunson sur Neymar, c'est Neymar, ou je sais plus, c'est Nesmith. Bref, on se dit, tiens, il s'est pris un coup dans les valseuses. Non, c'était pas ça. Ouais. Et puis un peu plus tard, bah voilà, il se plaint du pied et il sort. Et il sort pendant un laps de temps relativement long. Tout le second quart. Et surtout, il n'est pas sur le banc. Parce que sortir, Et il est pas souffler, sur le tu banc. mets Deuce. Mais on se dit, mince, s'il est parti au vestiaire, on sait pas, on s'inquiète, vous donnez des nouvelles et tout. Et puis il nous fait une sorte de Willis Reed Game. Hein, c'était en plus un peu un clin d'œil du destin parce que c'était vraiment par rapport aux dates, on va dire anniversaire, c'était la date anniversaire du Willis Reed Game où les Knicks étaient champions en 70. Et il revient en sortie de mi-temps, sortie de On est à vestiaire, il est moins de 10. retour. On est à Fait, c'est moins bon, 10 je suis là. et c'est là que tu vois en fait l'équipe avec et sans lui quoi. On est à moins 10 sans lui, on finit la première mi-temps et que quand ils reviennent tout de suite, l'équipe qui joue mieux, tout de suite, ils marquent des paniers, tout de suite, on grignote, on revient et on leur met un plus 20, on leur met quasiment, on leur met un plus 18, on leur met un plus 18 dans le troisième quart, quoi. On leur met un plus 18 dans le troisième quart. Avec la manière, à la fois un JB qu'on retrouve combatif, qui va au contact, qui n'a pas peur, finalement, le pied, ça avait l'air d'aller, et la défense des Pacers qui ne sait pas répondre au défi proposé par Brunson. Brunson qui est dans son jardin, le Garden, forcément, et qui va porter les Knicks en seconde mi-temps. Et malheureusement, le héros de la première mi-temps qui Une faisait jusque-là contre-attaque malheureuse. un match phénoménal avec 28 points, bah c'est OG Anunoby. Et bah Ah. malheureusement, il se claque, il se déchire, on ne sait pas. En tout cas, il finit là, une séquence dans Ah, elle fait le mal cette premier rang séquence. du public. Et malheureusement, bah, on le perd pour la fin de la rencontre. On ne sait pas ce qu'il en est. On a des incertitudes. On se Ben, dit la encore une façon en blessure. fait dont il se blesse, comment en fait tu vois qu'il, dans son effort, d'un coup, boum, il s'arrête. Ça sent le Il claquage, quoi. jette le ballon, boum, il s'arrête. Et après, tout de Ouh, suite, le il se tient déchirement. à l'arrière de la cuisse. Ouais, tout de suite, pour tout le monde, ça a été un claquage finito, quoi. Alors, on Les sait que c'est un joueur qui peut avoir nouvelles des étaient. difficultés quand il est blessé, quand il est, voilà, il n'est pas Les bon. nouvelles ont plutôt été plutôt rassurantes, entre guillemets, pour le reste, parce que ça veut dire que, par rapport à ce qu'ils disent, c'est qu'il y a la possibilité de le revoir revenir. Et c'est sûr que, heureusement que ça n'a pas été un claquage ou une déchirure. Mais c'est vrai que tout de suite, quand tu vois cette image-là, là, de contre-attaque, tu te dis, c'est pas possible. On a vraiment, on a vraiment une, on a la On a été poisse, quoi. Hein. marabouté, je sais pas. On a la poisse, quoi. Que quand ça commence, tu te dis, bon, allez, ok. Et là, boum, t'as OG qui pète. Ça en est C'était un sur gros un coup dur, c'était un écran. gros coup dur, mais voilà, dans ce match, on en a eu deux coups durs. On a eu ce questionnement, cette absence de JB et ce retour héroïque. On a eu ensuite ce claquage ou ce problème à la cuisse pour OG. Mais pour autant, les Knicks, voilà, dans un match qui était pas normal, et en même temps les playoffs, c'est souvent ça, il faut des événements un peu exceptionnels pour pouvoir sortir de grands matchs, et ben, les Knicks vont réussir à l'emporter. Sur le match 2, on est sur le score de 130 à 121, donc encore une fois, un gros niveau de scoring. On a Alec Burks qui repointe le bout de son nez, non, je sais plus où c'est sur le match 3, non, c'est plus sur le match 3, mais en tout cas, voilà, on arrive à retrouver un petit peu de points au niveau de la sortie de banc, et finalement, les Knicks l'emportent encore une fois sur un jeu d'attaque phénoménal. Encore une fois, comment il s'appelle, notre ami Rick Carlisle va se plaindre de l'arbitrage, va finalement plus ou moins déposer une réclamation. C'était une façon, on va dire, de jouer le jeu de l'intox, de la carte. Rééquilibrez-nous l'arbitrage pour les matchs à la maison. Les Pacers étaient menés 2-0. Les Knicks ont fait le travail sur ce match-là pour conserver l'avantage du terrain. Haliburton, bah, Haliburton, pas rayonnant non plus, en tout cas pas ou constant, en tout cas sur l'ensemble de la rencontre. Alors il y a eu des coups, il y a eu des chevilles qui ont peut-être un peu tourné. Peut-être qu'on l'a senti un peu plus en retrait sur la deuxième partie de match parce qu'il était en difficulté avec comment dire, son corps. Et un Dante qui répond présent, un Josh Hart qui répond présent. Encore une fois, les soldats étaient au rendez-vous. On réussit à passer l'orage ou la tempête quand Brunson n'était plus à la barre au navire. Et les Knicks qui l'emportent 2-0. La confiance était tout de même de mise, même si l'inquiétude portait maintenant sur OG Anunoby. On respirait plutôt bien en étant à 2-0 avant de partir dans l'Indiana. Je sais pas ce que t'en penses de Ouais, cette enfin, situation, ouais, on malgré la respirait. blessure. Malgré la blessure. Moi, je t'avouerais que ces blessures, malgré la victoire, ont commencé à me mettre un petit coup au moral, dans le sens où tu te dis, bah, on s'en sort pas, en fait. On s'en sort pas de tout ça, quoi. On s'en sort pas malgré le fait que l'équipe a du cœur, que l'équipe se bat. On s'en sort pas de cette spirale, Ouais, cette mais spirale médicale négative, quoi. Le défi physique va être toujours là pendant les playoffs, il va pas ralentir, ça Et c'est clair. voilà, et nous, on a moins de gens à envoyer, quoi. On a moins de gens à envoyer. Eux, ils ont que Mathurin qui n'est pas là. Nous, on a maintenant 4 gars qui sont pas là. 4 gars, 3 importants, un de rotation. Et tu te dis, bah, il va falloir maintenant faire sans, quoi. Faire sans tous ces mecs, faire sans. Alors, encore avec Julius, on a eu l'habitude de jouer sans lui. fait avec Mitch aussi. Une centaine de matchs sans lui, et Mitchell Robinson pareil, il a raté depuis décembre, il n'était pas là, après il est revenu fin mars. Boyan est arrivé avec la deadline, donc il n'y a pas eu non plus beaucoup de temps de jeu avec New York, non, même s'il mais... a apporté en sortie de banc, et c'était un profil complémentaire intéressant. Même si... Mais tu avais quand même du Grimes, c'est un séquel qui sortait du banc, donc tu avais quand même du mec qui sortait du banc, tu avais une rotation. Et là, bon, au fur et à mesure, on t'enlève des gens de rotation et on te dit qu'il faut faire aussi bien, voire mieux, et qu'il faut tenir des mecs qui vont maintenant jouer chez eux à une vitesse folle, galvanisés par un public de malades. Ouais, compliqué, compliqué. Compliqué, mais à 2-0, il y avait la confiance côté new-yorkaise. Il y avait confiance côté new-yorkaise. Derrière, il a fallu tout de même se déplacer aux Pacers. Là, changement d'ambiance, changement de couleur, tout de suite une dominance de jaune et un peu moins de fans d'Enix. Il y en avait quand même, on les félicite hein, d'avoir réussi à trouver quelques places. Et pour autant, un match 3, et ben un match 3 qui va pouvoir peut-être laisser des regrets dans la série, parce que New York n'était pas si loin que ça. Mais un match 3 où on a vu des ajustements aussi de la part de Rick Carlisle sur la façon de défendre sur Jalen Brunson. Jalen Brunson, il avait stoppé sa série de matchs à plus de 40 points sur le match 2 parce que forcément, il a passé un bon moment au vestiaire. Et dommage, parce qu'il termine la partie à 28 points, je crois, sur le match 2. Mais voilà, on s'est dit, bon, allez, espérons que l'équipe a de la ressource. Espérons qu'on mette encore un coup de plus au moral. Et les Pacers étaient menés 2-0. Fallait pas se permettre de perdre et d'être mené 3-0. Donc on s'attendait de toute façon à un défi. On s'attendait à ce qu'un arbitrage soit peut-être moins en faveur de New York ou plus en faveur des Pacers. J'ai pas vraiment noté beaucoup d'erreurs d'arbitrage. On va sortir l'action où Siakam tire par derrière Hartenstein sur la fin de match. Oui, c'est vrai, il y a contact. Oui, ils ont reconnu dans le last minute, two minute report, qu'il aurait dû avoir un coup de sifflet. Mais bon, c'est pas que sur ça que les Knicks perdent le match. Les Knicks sont dans le match. Les Knicks peuvent le prendre. On est sur un score qui est un petit peu plus faible. Là, sur cette rencontre, on est sur un 106-111. Donc, ça a un peu baissé en volume. Là, dans ce match 3, on a en sortie de banc Alec Burks, qui retrouve quelques sensations. Et tant mieux, il apporte un petit peu de scoring. Ça a donné un petit coup, un petit élan à un moment donné où on en avait besoin. Malheureusement, il y a des lancers. Il y a des mauvaises décisions sur la fin de match. Et finalement, c'est peut-être plus ça qui coûte la victoire. Coûte un précieux 3-0 à New York. Là, peut-être qu'on peut avoir des regrets quand même. Là, les lancers, les rebonds aussi, sur la on fin en parle du match. Moins, mais sur cette série, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué, mais sur ce dernier carton, sur ce dernier carton, tu crois que tu ne prends quasiment pas de rebonds. Tu prends 5 rebonds offensifs. L'équipe d'Indiana prend 5 rebonds offensifs. Et malgré le fait qu'on était plutôt pas mal hein, sur la 3 minutes de la fin, rapidement ils ont refait tout leur écart. On a eu 2 chase blocks sur Josh Hart. Alors même si il dit qu'il y en a un, il pense que il y a goaltending. Bon, c'est compliqué, c'est dur à estimer. Hein. Il ressemble fort à celui de LeBron, quoi. Donc c'est compliqué, il faudrait faire image par image à la microseconde. Bon, en tout cas, c'est pas flag. Et on n'arrive pas à tuer cette fin de match alors qu'on avait été pas mal. Et puis c'était le Dante game, quoi. C'était le Dante game. Il fermait les yeux, il jetait le ballon, ça faisait 3 points dans n'importe quelle position. Il arrive à recoller au score. Et malgré tout, voilà, tu perds ce match à la fin. À la fin, j'ai pas trop aimé l'attitude. Alors voilà, une fois n'est pas coutume, hein, et faut pas me taxer de quoi que ce soit. Mais j'ai eu l'impression que JB a voulu être le héros de la nation sur les dernières positions. On avait 8 secondes. On avait 8 secondes à l'horloge pour poser un système. Il prend ce 3 un peu casse-croûte en espérant qu'il y ait faute. Je la vois pas spécialement la faute parce que sur d'autres angles, t'as pas l'impression qu'il soit touché, que le bras soit touché. Non, il cherche clairement la faute, mais il force le destin pour aller chercher une faute. Alors que t'avais un Dante qui était on fire, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire? Donc non, ce match, tu le perds parce que bah, tu le perds sur 2-3 venus d'ailleurs de Nembhard, un peu mal défendu, voilà, par Jalen Brunson, qui le lâche à un moment donné. L'autre, il le tire, je pense qu'il le tire 10 fois, il en met 8 à côté. Là, ça a fait filoche, et puis voilà, et puis donc c'est fini, quoi. Ouais, ce match 3 a laissé beaucoup de regrets, beaucoup de regrets, parce que t'as mis beaucoup d'efforts là-dedans. On a joué, comme tu dis, on a un Burks à 14 points, un McBride à 10 points. À côté de ça, on a un Josh Hart, encore une fois, un monsieur double-double, en 10 points, 18 rebonds. 18 rebonds pour Josh Hart. Ouais, lui, il prend beaucoup de rebonds, mais peut-être que nos pivots sont plus en difficulté sur ce secteur. Nos pivots sont clairement en difficulté. C'est bizarre et c'est dommage de dire ça, mais face à un Joel Embiid qui pouvait paraître comme étant un pivot plus valuable qu'un Miles Turner, eh ben on est plus en difficulté sur un Miles Turner, voire un Siakam, qui vont venir chercher des bons rebonds offensifs, et encore plus sur ces deux matchs Mais surtout qu'en plus, là, au niveau du défi physique, t'as perdu. T'as perdu parce que ben là, tu vois, un Siakam, il est à 26 points, alors que quand il avait OG sur le museau, tout de suite, c'était beaucoup moins facile pour lui. C'était... Ouais. Donc là, tu as ressenti, tu as vu hein, justement, ben, quand OG n'est pas là, comment l'équipe se comporte. On a eu cette énergie un peu, j'ai l'impression, un peu du désespoir sur ce match 3, où ben, clairement, ben, tu le prends, tu as 3-0, c'est plus pareil. La série est plus pareille, la façon dont tu vas aborder le prochain match n'est pas du tout la même. Là, tu la perds au finish. Alors oui, il y a 106-111, mais le 3 de Nembhard arrive à 8 secondes de la fin. Hein. Après, là, c'est un jeu de lancer franc. On a perdu beaucoup de lancer franc. Hein. 16 sur 22 hein, au lancer franc. 16 sur 22 ouais. Au lancer franc. Sur des matchs serrés, ça coûte ce genre de détails. Et alors oui, il y a peut-être le manque de lucidité. C'est à ce moment-là où on pourrait se dire « Ah, la critique, Tom Thibodeau fait trop jouer ses joueurs ». Ben oui, arrivé en fin de match, forcément, on est moins lucide, on n'a peut-être pas le même. Non, mais c'est surtout que tu veux faire. Là, Tom Thibodeau, tu veux faire jouer ses joueurs. Là, maintenant, tu veux faire jouer qui? Il a fait jouer Sims, 4 minutes. McBride, OK, 29 et Burks, 21. Après, tu as Moussa Diakité, tu as Daquan Jeffries et Shaq Milton. Non, mais voilà. Mais le pourquoi du comment de cette maladresse au lancer franc. Ceci dit, côté Pacers, on voit aussi qu'un Siakam est en difficulté sur ses playoffs au lancer franc. Et par moment, oui. Il nous fait du 0 sur 2 qui oui. Nous sauve bien la mise. Mais voilà, donc. Les lancers francs, on en loupe en fin de match et ils nous coûtent cher pour pouvoir rester dans la partie. Il y a des erreurs, il y a un manque de réussite, il y a un manque de conditions physiques. On peut s'inquiéter sur l'état de forme de Jalen Brunson, c'est un motif d'inquiétude, surtout que là, en ce moment, sur les deux derniers matchs, il est bien défendu à la culotte par Aaron Nesmith, qui lui rend le combat compliqué. Donc voilà, avec un Brunson plus en difficulté, qui a l'attention de la défense et qui a un chien de garde pas possible sur le dos, bah oui, les Knicks sont dans le dur. Ceci dit, sur ce match, on a un super Dante DiVincenzo qui nous fait un record en carrière. Il a été incroyable. Il a eu sa crise de chaud en adresse. Et finalement, on a un bon Dante DiVincenzo sur ses trois premiers matchs de la série. C'est dommage que ça pousse... Le Dante Game était arrivé à point nommé, quoi. Avec toutes ses blessures, était arrivé vraiment à point nommé. Mais n'a pas suffi. Donc Lennox qui loupe le coche sur ce match, c'est dommage, ça pouvait laisser des regrets, mais on s'est dit, bon, 2-1, on panique pas. De toute façon, tant qu'une équipe n'a pas gagné un match dans la série à l'extérieur, rien n'est fait. Match 4, on va devoir en parler, on va en parler vite, hein, parce que j'ai pas trop envie d'en parler, à vrai dire. C'est tout ce qu'on appelle plus simplement, plus communément en NBA, un blowout du début jusqu'à la fin de la rencontre. Les Knicks ont été menés. Ok, les Knicks ont ouvert le score, mais ça a été compliqué de mettre des paniers, là où pour Indiana, c'était pas du tout un problème. Le ballon tourne, le ballon circule, l'arceau est très grand, et ils ont arrosé, ils ont eu de l'adresse, ils ont shooté à quoi ? 70% dans le premier quart ? Nous, on était à 28%. Impossible de résister dans cette configuration-là. Et toute l'équipe a fait faillite sur cette rencontre. Alors là, pour le coup... 37 à 3 points. 7 sur 37 de notre côté, 3 points. Il y a eu ouverture du banc, hein. Là-dessus, on ne pourra pas dire. Thibodeau n'a pas fait jouer autant de joueurs depuis un temps fou. Ah ben... Mais au Le final, quatrième quart. arrivé au début, milieu de troisième quart-temps, il a jeté l'éponge, c'était fini, impossible de revenir. L'écart n'a fait que de croître. Alors on le savait, cette équipe des Pacers est capable de mettre beaucoup de points, est capable de mettre des blowouts. Bah voilà, c'est bon, on l'a pris. C'est sûrement le pire match de playoff des Knicks cette saison, c'est certain. Enfin, de playoff et peut-être même de la saison. Bon, les joueurs ont pris un coup au moral, c'est certain, ils ont pu se reposer. C'est peut-être le bon côté, voilà, mais difficile de sortir du positif dans cette rencontre. Même si, ok, Burks va mettre des points en sortie de banc, même si, ok, McBride va mettre quelques points, mais il n'y a rien de positif à tirer de cette rencontre. Non, il n'y a rien de 2-2, positif. balle au centre, aucune des équipes n'a perdu chez elle. La série retourne où? Au Madison Square Garden. Et c'est là où on espère que ça va donner un supplément d'âme et un supplément d'énergie à nos Bockers, mais ça se sent très... Enfin, voilà, le momentum, le moral a changé de camp. Les Pacers qui pouvaient faire un petit peu de cinéma, un petit peu d'acteur studio vis-à-vis des blessures Ah, d'Harris Liberton, là, Haliburton. Finalement, il était en très grande forme sur ce match. Très belle réussite à 3 points pour lui. qui te joue les Kaiser Soze, quoi. Ah. Bref. Trop compliqué pour les Knicks sur cette rencontre. 2-2. On s'attarde pas sur ce blowout. Un blowout, c'est un blowout. On a eu du garbage time pendant trop longtemps sur ces minutes. Donc on va faire le tour. Bon, tout de même, cette semaine. On va quand même décerner un titre de Nick of the Week, il le faut. On s'est un petit peu concerté avant pour savoir, on aurait pu mettre un JB, il était phénoménal sur les deux premiers matchs, un peu moins sur les deux derniers, forcément, blessure oblige. Et donc du coup, allez, et on espère que ça lui donnera un complément, un boost, et une envie de renouer, faire encore honneur vis-à-vis de cette award de KNFTV. C'est donc Teddy Vincenzo qu'on désigne comme Nick of the Week sur ses quatre premiers matchs. Le quatrième est pas bon, mais les trois premiers le sont. Et surtout ce 35 points dans le match 3. Dommage que ça ne se traduit pas par une victoire. Mais on a encore confiance en lui, on a foi en lui. Et on se dit qu'avec un peu d'adresse de retour au Madison Square Garden, ça pourrait être un élément déclencheur qui permette d'aller chercher un 3-2 dans cette série. On va parler tout de suite de la semaine à venir. Mais en tout cas, voilà, c'est notre Nick of the Week. Ça a changé un petit peu de Jalen Brunson. Jalen Brunson sera de toute façon le Nick of the Year. Hein, top 5 Oui, MVP, ça ne sans change spoil, rien. hein. Sans spoil. Mais Et voilà, cette semaine, on peut noter tout de même un Josh. Un Josh. Oh, lapsus. Un Dante. Bien sûr, Josh Hart a des mentions. Tous les joueurs ont des mentions. Mais voilà, c'est notre joueur de la semaine. C'est le joueur de la semaine. J'espère qu'il va être aussi très bon la semaine prochaine, notre dompté. Il est passé à travers sur le match 4. Ça arrive. L'adresse, ça va, ça vient. Faut juste que ça revienne. Ça revienne où? Au Garden. Bon, sur ce, projetons-nous maintenant. De 2, milieu de série. Où est-ce qu'on en est? Que vont faire les Knicks sur la deuxième partie de cette série? La série, il est sûr et certain, elle va se terminer la semaine, cette semaine. Mais elle va se terminer en combien? En 6? En 7? Eh bien, écoutez. On vous propose d'en parler tout de suite ensemble en regardant ce qui se projette sur le programme de la semaine. Allez, c'est parti pour le programme de cette semaine. Bon, cette semaine, il y aura au moins deux matchs, peut-être trois, on verra. Si vous êtes sages ou pas, si les Knicks sont bons ou pas, si les Pacers sont bons ou pas. Voilà. En tout cas, mine de rien. On l'avait annoncé dans l'épisode 89, ce 2-2 à la fin de la semaine. Alors, on n'a peut-être pas annoncé un sale blowout. Non, clairement pas. Mais on s'était dit que cette série serait peut-être plus accrochée que certains voulaient le croire. Il ne faut pas sous-estimer les Pacers. On ne s'était pas projeté, on n'avait pas donné notre pronostic sur la fin de la série. Est-ce que les Knicks allaient passer? Est-ce que les Pacers allaient passer? Vous allez dire, oui, c'est facile, vous n'êtes pas mouillé, vous auriez pu balancer directement votre prono. Bon, j'avoue que moi, si j'avais lancé mon prono, j'aurais lancé un Knicks in 6 d'entrée de jeu. Et là, on va voir si du coup, on reste sur ça. Si on est plutôt sur un Knicks en 7, un Pacers en 6, il va y avoir quelques options à proposer. Cette semaine, on va avoir au moins deux matchs à pouvoir se régaler avec deux matchs. Le premier de ces deux matchs sera le match dans la nuit de mardi à mercredi au Madison Square Garden à 2 h du matin. Ouais, c'est pas l'heure qu'on préfère quand c'est un petit peu plus tôt tout de même. Le match 6, lui, aura lieu vendredi soir, dans la nuit de vendredi à samedi. On n'a pas encore l'heure de ce match, il n'est pas encore programmé complètement. Et puis, s'il y a un match 7 au Madison Square Garden, ça sera dimanche prochain et ce sera à 21h30. Bon, on n'y est pas encore, la série est que au milieu, 2-2. Les équipes ont toutes les deux 2 victoires à aller chercher. On se dit que si ça se joue en 3 matchs, 2 de ces matchs se joueront au Madison Square Garden. Est-ce que ça peut faire la différence? Est-ce que ça va avantager New York? Est-ce que ça va avantager les Bookers? Est-ce qu'il y a encore des matières pour ajuster, des marges de progression pour les deux équipes? Est-ce qu'il y a des retours de blessures? OG, bah, va-t-il revenir ou pas sur sa dernier match? Est-ce que la fin de série, la fin de saison va sonner pour OG? Est-ce que finalement ça va passer et on pourra le retrouver en finale de conférence contre les Celtics? Oups, les Cavs, je ne sais pas. Voilà, il y a encore pas mal d'incertitudes, beaucoup plus compliquées à se projeter, même si voilà, on a 4 matchs derrière nous, une dynamique qui a changé du tout au tout entre les 2 premiers matchs et les 2 derniers. On va se risquer au jeu des pronostics. Bien sûr, tous les matchs sont attendus, mais alors le match 5, on peut le dire, c'est un must-win absolu. L'équipe qui va remporter ce match 5 aura de toute façon un avantage important sur le suite de la série. Imaginons que les Knicks le remportent, ça les mettrait à 3-2 avant de retourner à Indiana. Et pourquoi pas se permettre de lâcher le 6, même en le disputant dur, mais voilà, en ayant encore une chance, une balle de match possible à New York dimanche. Inversement, si Indiana venait à s'imposer à New York mardi soir, là ça les mettrait dans une très bonne position pour conclure la série chez eux vendredi à Indiana. Donc clairement ce match 5, il ne fera le louper pour aucun prétexte, tant pour vous les fans que pour les joueurs. On espère qu'il y aura un peu de repos, et il y en aura puisqu'ils ne jouent pas ce soir, ils joueront demain soir. Ça sera un match à une heure un peu plus normale aussi. On sait que les Knicks n'aiment pas trop jouer de bonne heure. Est-ce que c'est ça qui fait que ça explique le blowout? Je ne sais pas. J'ai vu sur les commentaires, sur les réseaux sociaux, dire que Jalen Brunson ne passait pas à côté de 2 matchs de façon consécutive. Et son match 3, il est un petit peu passé à côté quand même. Donc, voilà, il serait bon qu'effectivement, il retrouve de l'adresse. Il y a de la blessure, il y a de la défense. Attention, le plan de jeu des Pacers, il est aussi à mettre à leur crédit. Il est plus compliqué de défendre sur Pascal Siakam avec un Josh Hart qu'avec un OG Anunoby. Donc ça, forcément, ça joue dans la rencontre. Est-ce que Thibodeau peut faire des ajustements? Lesquels? Franchement, j'ai du mal à voir. Precious Achiuwa un peu plus souvent, un peu plus longtemps sur Siakam. Est-ce que Miles McBride, il pourrait pas caler ses minutes sur TJ McConnell pour en faire vraiment une affaire personnelle et éviter que lui, en sortie de banc, nous mette des points qui font mal? À voir. Est-ce que Alec Burks va continuer à avoir du temps de jeu? On peut le penser. Est-ce qu'il va continuer à mettre des points? Ça serait bon, ça serait utile, ça serait important. Même si aujourd'hui, c'est pas tant le banc qui nous inquiète côté New York, même si on aura besoin un peu de souffler, d'un peu de scoring en sortie de banc, c'est plus les titulaires qui nous inquiètent et c'est plus Jalen Brunson. Est-ce que Jalen Brunson a encore suffisamment de jus dans le réservoir de gaz dans le réservoir pour pouvoir porter les Knicks de façon héroïque et les faire se qualifier? Il a l'air d'être focus sur la série. Les discours de fin de rencontre, après le match 4, sont concentrés. Voilà, ils savent qu'il faut jouer les matchs les uns après les autres. La mentalité est toujours au rendez-vous et on ne sent pas qu'ils sont atteints dans leur morale, même si, bon, de 2, la série n'est plus la même. Mais ceci dit, Indiana n'a pas encore gagné à New York. Donc, il y a des espoirs ou il n'y a pas d'espoir? Il y a des motifs d'espoir ou pas pour toi? On fait le pronostic là, pour les 2 matchs? Là, tu veux donner les résultats des 2 matchs là? Bah écoute, quels sont les motifs d'espoir? Quels sont les motifs d'inquiétude? Les motifs d'espoir, c'est que eux aussi vivent beaucoup sur leur adresse et qu'ils peuvent connaître un trou comme au Game 1, c'est-à-dire un Liberton qui se chie dessus, un Topin en sortie de banque qui n'arrive pas, un Turner comme au Game 2 aussi moyen. Donc ils peuvent aussi connaître un trou dans leur efficacité. Et moins scoré. Et nous, à contrepartie, ne pas faire les mêmes erreurs qu'au Game 4 et cette fois-ci mettre dedans nos shoots. Est-ce que Dante, typiquement, qui n'avait pas d'adresse au Game 4, est-ce qu'il va retrouver cette adresse? Le problème, c'est que là maintenant, en fait, est-ce que Dante, on se raccroche à Dante, quoi, comme ultime espoir, en sachant que Jalen Brunson est en délicatesse avec sa cheville gauche. Droite? Bon, C'est ça, droite? je C'est pense que c'est droite, pied droit, ouais. ouais, c'est pied droit. Donc, si tu veux, c'est ça, en fait, le souci, c'est de se dire. En fait, il y a tellement de choses. Nous, de notre côté, il faut qu'on se réadapte à ne plus jouer avec OG et donc à jouer plus petit et moins physique. Et donc, ça veut dire peut-être plus courir. Eux vont continuer à nous défier dans la raquette, comme ils l'ont fait. Moi, le match-up, le match-up. J'ai beau tourner en fait la question dans tous les sens. Personnellement, il y aurait un JB à 100%. Et tu vois, je te dirais, il va nous porter. Il va y avoir quelque chose qui va s'engager derrière. On va se sentir bien. Je pense que le Game 3 nous a fait terriblement mal au moral parce que on sortait d'un match justement avec plein de bobos, gagné, mais avec plein de bobos. On arrive à dans l'Indiana, on est prêt à faire le braquage de l'année. Non, On match-up. ressort broucouille, comme on dit dans le bouchonnois. Et puis derrière, on prend ce blowout. Alors oui, l'équipe a du cœur, l'équipe a du caractère, l'équipe va se remobiliser. Visiblement, Yann Begley a dit qu'à l'issue du match, tous s'étaient réunis. Là, ils avaient fait une sorte de petite réunion improvisée pour se recentrer en vue du match 5. Néanmoins, à un moment donné, tu te fais rattraper quand même par le physique. Par la Tu te fais réalité, ouais. rattraper par tout ça. Enfin, cette équipe, ok, oui, elle est extraordinaire. Et on s'en souviendra des Knicks 2024. Évidemment qu'on s'en souviendra des Knicks 2024. Mais on se souviendra aussi de ce parcours avec toutes ces embûches qui ont fait que, en fait, l'adversité, elle venait pas tant finalement des équipes qu'on a affronté, mais elle venait surtout de nous aussi et de notre état de forme. Et des Knicks au complet, qu'est-ce, toi, ça aurait été le what if, ça? Qu'est-ce qu'auraient donné les Knicks 2024 au complet sur ces playoffs? On ne saura pas, on ne pourra pas On savoir. le saura pas. Et moi, je t'avouerai que au sorti, alors peut-être que maintenant, en fait, c'est un peu digéré quand même ce blowout, hein. Ouais. J'essaie de me sortir un peu de ce carcan de supporters des New York Knicks. On aurait ce genre de cas de figure pour n'importe quelle autre des 8 équipes restantes. On dirait, ah, c'est compliqué, quoi. Ah, c'est Ouais, c'est mal au compliqué, barré. quoi. Ah, c'est compliqué, quoi. Tu fais 2-2, tu perds tes mecs, tu joues 104 joueurs importants de ta rotation. T'es Euh, sur un ton, ton, blowout. ton, ton, ton franchise player est maintenant un peu sur une papate. On serait là en mode, ah, c'est compliqué. Alors oui, après on va nous dire, ouais, mais nous, on n'est pas une équipe comme les autres, nous, on a du cœur. Oui, mais le cœur, c'est pas rentrer les 3 points. Et le cœur, ça va peut-être te donner, voilà, une chance, pas une chance, une énergie. Mais à un moment donné, tu le vois bien hier. Hier, on avait beau essayer. On avait beau essayer. L'écart grandissait. Parce que, en fait, t'as plus personne à envoyer, quoi. Les réserves sont vides. Donc moi, je t'avouerai que je suis assez défaitiste sur le reste de cette série. Je vois Toi, tu ça. disais 4, toi, tu disais 4-2. Si Ah, j'avais, c'est ce que j'aurais dit en début de série. oui, En c'est début de haute exactement série. ce que j'avais. Tu vois, c'est exactement en fait, ça a été exactement mon pronostic avec sans les blessures, sans tout ça, sans, tu vois, tel qu'on était au game 1 contre Indiana. Pour moi, c'était 2 victoires à la maison, 2 victoires à l'extérieur, et ensuite on faisait victoire maison et victoire extérieure. Pour moi. On finissait en 4-2. Désormais, sans Mitchell Robinson, sans OG Anunoby et avec un Jalen Brunson sur une jambe. C'est plus compliqué. Donc toi, ton pronostic pour ces au moins 2 matchs de cette saison, cette série de cette semaine, tu vois Pour moi, le les pronostic, Pacers passer c'est. en 6? Non. Pour les Pacers, ouais. Les Pacers passaient en 6. Je vois un scénario à la Game 3. Pour le Game 5, c'est-à-dire un scénario, justement, on va rien lâcher Match sur, accroché. on va tout donner sur ce game, sur ce game, sur ce game 5. On va y aller. JB, bah, bon, comme ils vont tous avoir l'énergie du désespoir, l'énergie de devoir faire quelque chose. Porté par le public aussi. Mais ça risque d'être un poil court. On perdra sur. Enfin, c'est mon pronostic. Hein. Pour moi, on perdra voilà, dans la dernière minute. On va s'accrocher jusqu'au bout. On va avoir encore le palpitant qui va y aller à fond. Et puis, on va perdre juste à la fin. Et le dernier match, tu arrives mené à Indiana. Et la décision se fait dans le tiers 3. La décision se fait dans le tiers 3. Et tu n'arrives pas à revenir. Et ça se finit en 4-2 Indiana. Je n'aime pas ce pronostic. Mais moi non plus, je l'aime pas. C'est un scénario qui est tout à fait probable et possible. On est d'accord qu'aujourd'hui, Indiana a plus la confiance, a un meilleur état de forme. On le sait, en playoff, il faut aussi pouvoir arriver dans un bon état de forme. Ça a été compliqué pour toute la saison. Les Knicks se sont battus, les Knicks ont du cœur. Est-ce qu'ils ont suffisamment de mental, de morale, d'énergie encore pour pouvoir aller chercher ce match 5? On l'a dit, on le répète, ça va être un match, un must win pour les deux équipes. Il faut que New York débute bien ce match. Si on commence un match avec un problème d'adresse tel qu'on l'a eu hier, ça risque d'être compliqué parce que Indiana n'a rien à perdre. Au pire, ils seront menés 3-2, mais ils savent qu'ils vont revenir chez eux et ils savent qu'à l'usure, ils peuvent avoir New York parce qu'ils jouent vite aussi. Donc effectivement, il faut que New York et il faut que les Knicks arrivent à montrer leur force de caractère. C'est un blowout en playoff, on n'en a pas eu. Donc à voir justement comment ils réagissent. Est-ce que là, ils ont ce supplément d'âme, ce cœur de champion qui fait que même dans cette adversité, même avec ses blessures, même diminuées, ils vont réussir à trouver la différence? Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire sur ce match 5. Je me dis que l'adresse va revenir. Oui, dompter, s'en remettre à dompter, c'est peut-être un petit peu présomptueux. Mais il est passé quand même relativement à côté de son match-là, son match 4. Il a été plutôt dans une bonne réussite sur cette série. Alors, il peut marquer de loin, il peut marquer de près. Il a un panel de jeux offensifs qui peut apporter de la diversité. Et on sait qu'il va être mis à contribution. Avec de l'adresse à lui, avec une petite crise à 3 points sur 2-3 paniers, ça peut faire la différence. On ne l'a pas eu sur ce blowout. Et c'est ça qui fait que les Knicks ont lâché prise assez tôt dans la rencontre. Brunson, c'est pareil. Arrivé au Garden, il faut qu'il rentre ses premiers shoots. Même s'ils sont compliqués, même s'ils sont contestés, même s'il a mal, même s'il a la défense de Nesmith encore sur lui, parce qu'aucune raison pour les Pacers de changer leur plan, il va falloir que Brunson mette tout de suite l'équipe aussi dans la bonne voie et rentre ses premiers paniers. Même si c'est des paniers ou des points à aller chercher un petit peu en vicelard avec des fautes, il va falloir qu'il se mette tout de suite en confiance. Et moi, j'ai envie de ça sur ce match 5. J'ai envie d'y croire sur le match 5. Mais je pense que même si les Knicks vont aller chercher ce match 5, j'ai envie de ce match 5. Je pense que les Pacers sauront réagir au match 6 et je pense qu'on aura un match 7 au Madison Square Garden. Et là, bah ouais, mon cœur de supporter, même si c'est plus le cœur que la raison, va me faire dire Knicks en 7. Ouais, je vous annonce, un Knicks en 7, une grosse semaine. Et là, on aura une série formidable. Après, sur un dernier match, tout peut se jouer. Et pourquoi pas un retour de OG dans ce match 7 et qu'il fasse la différence. Peut-être pas à 100%, mais ne serait-ce que par sa présence défensive. OG, sur le match 5, ça serait une surprise de le retrouver. Ça serait peut-être un peu un désespoir de le voir sur le dernier match. Peut-être que ça sera au match 6. On tentera le coup, quitte à se blesser et à finir la saison opérée. Peut-être que ça sera sur le match 6. Mais voilà, si les Knicks arrivent à accrocher ce match 5 avec la force du désespoir, avec le public qui pousse, avec de l'adresse, avec un McBride qui, pourquoi pour l'instant, ne nous a pas fait un gros match, mais retrouver un peu d'adresse aussi à un moment où il est un peu libéré. Voilà. Et un peu de maladresse côté Pacers. Mais voilà, un match accroché. Faut pas les pousser trop haut dans les tours en termes de scoring parce qu'on n'aura pas. En 7. On n'aura pas. 7. Mais pour moi, Knicks en 7. Voilà, c'est mon prono. J'aurais dit un Knicks in 6 en début de série. La série a évolué, on s'adapte et on voit aussi comment les forces en présence bougent. Mais je vais contrebalancer ton pessimisme, qui est peut-être du réalisme. On ne sait pas, on verra. Tout est possible malheureusement dans cette série. Par un peu d'optimisme. Et essayer de me dire que oui, le Garden va aider les Knicks à trouver ce supplément pour aller chercher ce match 5. Et on le dit, celui qui va chercher le match 5, des fois, il gagne la série. Donc peut-être que ça ne sera pas en 6, ça sera peut-être en 7. comme en 94. Oui, oui, c'est même Pacers. Est-ce qu'il y aura Reggie Miller? Est-ce qu'on aura le retour de Ewing? Est-ce qu'on aura Charles Oakley qui va venir, qui va arrêter de faire la tête et venir supporter ces Knicks? On verra. Mais en tout cas, on a envie que cette série dure et on a envie que cette aventure dure pour les Knicks parce qu'on les aime, cette équipe. On les aime, ces Bokers. Et moi, c'est un match en 7 que je vois cette série se terminer. Ça serait vraiment un grec, un crève-cœur que la série se terminerait dans l'Indiana. Ils n'auront pas volé leur qualification s'ils la prennent. On pourra juste noter effectivement ses absences. Mais on n'a pas envie que ça se termine en autre boudin et que ça se termine ça de cette façon. Et puis des regrets sur ce match 3. Donc non, pour moi, Knicks en 7. Voilà, mettez-vous vos pronostics en commentaire. Oui, forcément, les lendemains de blowout sont toujours difficiles. Mais on sait que l'équipe a du cœur, on sait que l'équipe a de la résilience, on sait que l'équipe a envie de réagir. Ils se sont un peu reposés, hein. C'était au moins l'avantage du garbage time. Il y a un peu de jours de repos avant de rentrer chez soi aussi. Voilà, ça peut faire la différence. Le Garden, c'est pas la même salle. Peut-être que les arbitres nous avantageront, je ne sais pas. Peut-être que la NBA aura envie de pousser un peu la série. Allez, pourquoi pas. Mais voilà, on n'a pas envie. On n'a pas envie d'un scénario où on se dit mince, il y avait l'opportunité de pousser jusqu'à la finale de conf. Et de finir avec des Pacers qui étaient à notre portée. On respecte l'adversaire. Ils ont tout à fait les capacités de se qualifier. Mais moi, j'ai envie encore une fois de croire aux Knicks. Je ne sais pas si c'est la raison qui parle. Franchement, je ne pense pas. Mais il y a des motifs d'inquiétude. Mais il y a peut-être quelques espoirs encore. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a les Knicks, il y a de l'espoir. Donc, on va les supporter. On va espérer. Oui, tant qu'il y a des minutes. Tant qu'il y a des minutes, il y a de l'espoir. Maintenant, comme tu dis, peut-être Tony Burton, il va se blesser. Hein. Oui, non, mais t'imagines, enfin, il faudrait qu'il y ait une intoxication alimentaire de toute l'équipe. Un hot dog, bonjour, un cuit, tu vois. Ça, ouais, mais comme je dis, à partir du moment où c'est que t'en viens quand même à faire rentrer des Sims, des Burks, des Achiuwa dans en demi-finale de conférence, c'est que commence quand même à être tu es poussé très dans tes derniers retranchements. Ouais, non, mais moi c'est surtout la micro blessure ou je sais pas la gêne, c'est qu'on n'est pas un Brunson à 100%. Moi c'est ça qui me chafouille. Et c'est si dans la tête, il arrive à mettre ses shoots. Ouais, mais ça peut faire la différence. Oui, mais c'est un star. Moi, j'arrive pas à me projeter, j'arrive pas à me raccrocher. À quelque chose en fait, j'arrive pas à me dire ah ben non, mais il y a ça et ça, ça va le faire. J'arrive pas en fait. Alors peut-être qu'en effet, je suis dans un état de pessimisme ambiant et je ne vois que le négatif, mais j'arrive pas à voir dans quelles circonstances on peut arriver à nous dans l'état de forme dans laquelle est notre roster face à l'état de forme dans lequel est leur équipe. Comment est-ce qu'on arrive à faire basculer cette série? Tu vois, je veux dire, à un moment donné, tu as des athlètes de très haut niveau des deux côtés. Hein. Indiana, c'est une équipe NBA. C'est pas une équipe de départementale. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est forte physiquement, qui est préparée mentalement, de leurs moyens. Qui est en pleine possession de leurs moyens et qui affronte désormais une équipe qui est diminuée dans beaucoup d'aspects du jeu. Et c'est en ça en fait où j'ai du mal en fait à me dire mais si il y a ça, je suis sûr qu'il y a ça, ça va aller, parce qu'en fait j'arrive pas. Aucune certitude sur cette fin de série, on est d'accord, si ce n'est que pour l'instant il y a deux mais, que la série va revenir au Garden pour un match. Ton scénario un Nix qui passe en 7, elle est où la feuille que je la signe, hein. Elle est où la feuille que je la signe. Je te l'envoie. Bon, on va, quoi qu'il arrive, être devant nos écrans, devant nos réseaux sociaux pour le match 5. On l'attend avec impatience. Les premières minutes seront primordiales. Vous l'avez compris, le public va pousser. Et quoi qu'il arrive, le Madison Square Garden va être derrière son équipe. Aux joueurs d'arriver à trouver les solutions, à trouver l'énergie, la force, l'adresse qui permet de prolonger cette série le plus loin possible. Et pourquoi pas cette campagne de playoff le plus loin possible. Quoi qu'il arrive, on sera fiers de cette équipe, mais qu'elle nous donne encore de superbes émotions pour ne pas finir un peu triste. Hein. Non, non. Gardons de l'espoir Et on sera encore là au rendez-vous sur KNF TV pour débriefer ça ensemble. Et puis pour voir que ce pessimisme n'avait pas de raison d'être. Que finalement, les Knicks auront été héroïques. Voilà. et on remporte les deux prochains matchs. Voilà. Voilà. Voilà. On avait bon sur nos pronos. On avait dit 2-2. Voilà. Moi, je dis en 7. Tu veux pas dire en 7? C'est pas grave. Je vais couper au montage. Maintenant, allez, sur ce. Maintenant, avec les IA, tu peux tout faire. On peut faire dire n'importe qui. Quoi, à n'importe attends, si qui. On peut faire, si on peut faire juste faire un tout petit point sur les playoffs. Rapidement, un point sur les brackets aussi, même si on ne va pas se projeter encore trop loin côté New York par rapport aux autres séries. Hein. À l'Est, bah, tu as Boston qui, après avoir perdu un match à la maison, a remporté son troisième match à Cleveland. Il rejoue cette nuit, donc pour le match 4. Est-ce qu'ils vont faire... Moi, je pense que ça va finir en 4. Hein. Moi, je pense que cette série va finir en 4, encore une fois. Ils ont déconné à la maison, ils ont lâché ce match, hein, un peu débile. Et puis, je pense que Boston va passer en 4. Il y a quand même une classe d'écart entre eux. Mais donc, il y a le match 4 qui est cette nuit entre les Celtics et les Cavaliers. Dans la terrible série entre les Timberwolves et Denver, Denver qui s'était fait surclasser à la maison sur les deux premiers matchs, dont le match 2, j'avais jamais vu ça. Le match 2, incroyable, la défense de fou, en première mi-temps, j'avais jamais vu ça. Comment ça s'est passé? Ils avaient détruit. Et sans Rudy qui fêtait Rudy. Non pas son Deepoy, mais plutôt la naissance de son ouais. petit Roméo. Félicitations à lui. C'était dire la performance des Wolves sur le match 2 sans avoir tous leurs joueurs. Peut-être qu'il avait raison. Parce que les matchs 3 et 4 à Minnesota, moi je m'étais dit, bon, ça va finir en 4-1. Les Denver Nuggets ont haussé leur niveau de jeu et ont remporté les deux matchs suivants là-bas. Donc aucune équipe n'a gagné à la maison. Donc le match 5 va avoir lieu à Denver survolté. Cette équipe de Denver est incroyable et puis le trio Murray, Jokic, Gordon est fantastique. Donc cette série est quand même hyper impressionnante et un Anthony Edwards magnifique. Et enfin la série Thunder Maverick. Alors il y a 2-1. D'un pour les Mavs. Voilà, les Mavs ont remporté un match là-bas et puis ils ont conclu de belle manière chez eux. Donc attention le Thunder, peut-être qu'ils vont payer aussi un peu cette jeunesse un peu inexpérimentée. Le match 4 a lieu ce soir aussi. C'est une série très sympa avec un Doncic diminué, pas sûr qu'il joue, pas sûr. Enfin, en tout cas, il est sur une petite papate. Mais quand tu vois comment il s'appelle, Washington, PG Washington, ouais. Quand tu vois sur pourquoi ils l'ont eu à Charlotte et qu'est-ce qu'il produit, magnifique. Donc 2-1 pour cette série. Voilà, donc il y a 2-2-2, il y a 2-2-1. Ces playoffs, en tout cas, sont bien passionnants, intéressants. Et on aime finalement les séries qui durent. Donc pourquoi pas pousser ça en 7, hein, pourquoi pas. Voilà. Voilà, ça c'était le point les autres séries. Juste pour terminer, hier il y a eu la loterie. Là où il y a la loterie donc, qui a donné donc, le first pick à Atlanta. Atlanta qui était projeté 10e au choix. Et qui, par un coup incroyable, se retrouve à 1. Le deuxième choix arrivera à Washington. C'est important d'en parler parce qu'il y a du français. Il y a Zachary Risaché, il y a Alexandre Sarr. T'en as un autre aussi là, qui est présent. C'est... comment il s'appelle John Salon. Donc, important. Et le troisième choix était le choix de nos amis de Brooklyn. Qui l'ont perdu dans le trade de Harden et l'ont gentiment donc donné. Ils étaient projetés 12e au choix. Ils se retrouvent pareil, projetés top 3. Et ils le donnent gentiment à Houston, qui n'en demandait pas tant. Pourtant, qui ont fait une très bonne saison et qui se retrouvent avec un top 3 de draft. Donc voilà. Et nos amis de Toronto qui ont tanké hein, sur la fin, hein, qui ont balancé Siakam, qui ont balancé OG. Malheureusement, ça n'a pas suffi et leur choix protégé n'était pas si protégé que ça. Et revient à San Antonio. Pour info, les Knicks piqueront pour cette draft, auront deux choix au premier tour, en 24 et 25e choix. Donc, à voir que va faire le à quoi ça sert tout ça. Mais est-ce ça, on aura l'occasion d'en parler dans de prochains épisodes sur les projections, sur l'intersaison et comment renforcer cette équipe. Mais jusque-là, on va parler play-off. Et puis, les problèmes des Nets, c'est sonnette, donc on leur laisse. Petite balle perdue pour finir, c'est gratuit, ça fait plaisir. Ils ont construit, les Nets ont construit le projet Boston. Là, ils sont en train de construire le projet Houston. Voilà, est-ce qu'ils ont un problème, ça, c'est leur souci. Allez, d'ici là, on va vous souhaiter une très bonne semaine. Profitez des playoffs jusqu'au bout. Il y a au moins deux matchs. Moi, je pense qu'il y en aura trois. Régalez-vous, supportez les Knicks. Et voilà, qu'on kiffe le plus longtemps possible, qu'on soit fier de cette équipe. Et que le Garden soit le supplément, l'homme providentiel qui permette aux Bokers de trouver de la ressource supplémentaire. Est-ce que le Garden va apporter des points? Est-ce que le Garden va rentrer des paniers? Est-ce que le Garden va aider à obtenir des fautes? Ça, on verra. En tout cas, nous, on sera derrière nos écrans. On sera derrière l'équipe pour la supporter jusqu'au bout. Et on a envie que l'aventure dure parce que cette équipe est belle. Voilà. Cette équipe magnifique. Knicks en 7. On débriefe tout ça ensemble la semaine prochaine dans l'épisode 91 sur KNFTV. Et d'ici là, à Venix Weeks. Et let's go, Nick. Ciao, ciao. Bonne semaine à toutes et à tous. Salut. Ciao. Salut, voisin. À bientôt. Ciao.